Aujourd'hui, on continue de méditer sur la belle fête Noël, sur cette naissance de cet enfant. Qui est cet enfant? Que sera-t-il? Et dans la logique de cette fête, de l'épiphanie, la première lecture qui nous est donnée à méditer commence par ces mots. C'est une lecture donc qui est bien avant Jésus-Christ, du prophète Isaïe. « Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent le peuple, mais sur toi se lève et sa gloire brille sur toi. » Le prophète Isaïe avait prophétisé une grande grâce pour le peuple saint, pour Jérusalem, mais pour tout le peuple saint, la joie qu'elle serait appelée à se relever, cette nation qui avait été mise à genoux, au contraire, elle avait dû plier devant les autres nations lorsqu'elle s'est fait envahir, opprimer, même déporter. Jérusalem avait dû se mettre à genoux devant la nation. Et bien maintenant, le Seigneur lui dit « Debout, lève-toi, ton Dieu, ton Seigneur vient vers toi, il fait briller sa lumière sur toi, Jérusalem. » Et ensuite, il continue. Donc, dans le malheur de Jérusalem, elle avait dû être déportée vers les autres nations. Mais là, à travers ce mystère de Noël, et le prophète Isaïe dit, « Maintenant, ce sont les nations qui marcheront vers toi, vers ta lumière, et les rois vers ta paix. » Lève les yeux, regarde au loin, tous ils se rassemblent, ils arrivent, tes fils et tes filles reviendront portés sur les bras. Encore une fois, cette parole, lorsqu'on comprend le contexte de déportation, ce peuple qui avait été dispersé, lorsque le prophète annonce « Réjouis-toi, ta gloire revient, ton Dieu vient chez toi, et pas juste ton Dieu, tes fils et tes filles reviennent avec la lumière du Seigneur. » Donc cette parole s'est accomplie, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Donc, ce prophète voyait d'avance, d'une certaine façon, le plan de Dieu qu'il allait accomplir sans en connaître tous les détails. Mais cette parole s'est accomplie éminemment en Jésus, qui est la lumière du monde. Ce Jésus qui a été donné au peuple saint, ce Messie, ce Sauveur, ce petit enfant qu'on célèbre, est donné à ce peuple. Et déjà, il commence à faire jaillir une lumière qui éclabousse le peuple de la lumière de Dieu. Et déjà, ce Jésus commence à attirer les gens des autres nations. Ces mages, ces chercheurs de Dieu, probablement des hommes scientifiques, des astronomes, des astrologues, des gens qui regardent, qui font de l'astronomie plutôt. Donc ces gens qui cherchent la vérité à travers toutes sortes d'observations, qui arrivent à ce lieu, qui arrivent à cette ville, l'Esprit-Saint a dû leur souffler quelque chose quand même. Où est le roi des Juifs? Celui qui vient de naître. Alors ils prennent un réflexe tout simple, celui de se rendre à la capitale. Jérusalem, c'était la capitale religieuse et civile, même politique, du peuple juif. Donc, ils vont là, ils se disent, ils doivent savoir, eux, si leur roi vient de naître, ils vont nous indiquer. Et là, Hérode, qui est un roi, mais pas vraiment un roi issu de la lignée de David, mais un homme qui exerce autorité sur ces Juifs, est tout à coup inquiet. Il est inquiet, il a peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un roi? qui vient de naître chez moi, je ne suis pas au courant, c'est moi le roi. » Et il se met à avoir peur. Hérode, le pauvre Hérode, ne réalise pas que la royauté de Jésus n'est pas là pour dominer, tasser les autres. C'est une royauté que Jésus partage, qu'il partage à tous ceux qui veulent bien entrer dans ce plan d'amour. Et donc, je reviens à cette phrase du prophète Isaïe, « Debout resplendit ». Cette phrase, Dieu l'a dit à Israël, qui avait tendance à se terrer, à se baisser la tête, à s'incliner. Cette phrase, ensuite, Dieu la redit à l'Église. Et il la redit, entre autres, par le jour. Le pape François, il dépoussière un petit peu l'Église, là, et il dit aux chrétiens, « Allez, toi aussi, debout, resplendis, et tourne-toi vers le repliement sur soi. » L'Église ne doit pas être repliée sur elle-même, elle est faite pour être une lumière pour les autres, pour les nations. Et c'est dans ce sens-là que le pape François, dans sa lettre « La joie de l'Évangile » dit « Sortez, sortez ». Vous savez, je l'ai déjà dit, une fois il disait « Mais vous savez, la brebis là, il y a 99 brebis à l'intérieur, puis il y en a une à l'extérieur, qu'est-ce que Jésus fait? Il quitte les 99 à l'intérieur, puis il va vers la brebis à l'extérieur. Il dit, nous, les chrétiens, on a tendance, il ne reste plus rien qu'une brebis à l'intérieur, mais on la flatte. On la flatte, puis on ne va pas voir les 99 à l'extérieur. Jésus nous dit, sortez, sortons. Le pape nous dit, allons, vous êtes à part du monde. Vous savez, c'est le thème de la journée mondiale, la jeunesse, qui a eu lieu ici, au Canada en 2002. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? Levez donc la main. Ah, il y en a quand même quelques-uns, au moins 10-15, c'est bien. Alors, le pape, à l'époque, non pas François, Jean-Paul II avait dit, « Vous êtes la lumière. » La lumière, on ne la met pas en dessous. On la met sur le lampadaire. Et il ne faut pas que la lumière oublie une chose. Par exemple, si vous êtes lumière du monde, cette lumière-là, elle ne vient pas juste de nous, de moi ou de vous. Cette lumière est donnée par Jésus et on reflète la lumière de Dieu. Cet automne, j'ai fait une retraite au mois de novembre. J'étais dans Charlevoix, chez les petits frères Lacroix. Je ne sais pas si certains connaissent, là, c'est un monastère bien sympathique. Bon, c'est la première fois que je prenais une retraite si tard. Là, puis je me disais, mois de novembre, c'est un mois plutôt triste. En fait, il n'y a plus de feuilles, il n'y a pas de neige encore, tout est gris. Ça va être plate. Eh bien, chaque après-midi, faire des grandes marches derrière, dans la nature, dans les forêts. Mais, étonnamment, j'ai trouvé la nature belle. Et spécialement, quand le soleil paraissait, parce que les après-midi où j'étais là, il y a eu beaucoup de soleil. Et finalement, le soleil réussissait à faire jaillir de la lumière, même dans cette nature apparemment terne, du mois de novembre. Il y avait toutes sortes de tons différents, même dans la nature. Il restait encore même quelques vers, des conifères, mais même dans les restes de la nature, tout devenait plus beau. Eh bien, c'est ce qui se produit pour nous. Des fois, on est rendu terne, aussi terne que la nature au mois de novembre. Plus de feuilles, plus trop de couleurs, découragé. Mais si la lumière décide de se lever sur nous, attention, même vous, même moi, on est capable de resplendir d'une lumière qui n'est pas la lumière qui vient d'un autre. J'aimerais qu'on entre tous cette semaine dans cette vocation profonde à être debout et à resplendir. Vous êtes faites pour être resplendissants. Mesdames et messieurs, vous êtes faites pour être resplendissant et resplendissante. Je sais que les dames, en général, aiment bien être belles, n'est-ce pas? Puis les messieurs sont contents que les dames aient été belles. Ils sont contents que les dames aiment être belles. Vous savez, ce qui est plus beau qu'une belle femme? Des suggestions? Avec Platon, dans les dialogues de Platon, à un moment donné, il s'interroge sur qu'est-ce que la beauté. Et une des hypothèses données, c'est la beauté, c'est une belle femme. Alors, je pose la question, y a-t-il quelque chose de plus beau qu'une belle femme? Alors ici, on dit deux belles femmes. OK, par là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Un enfant. Là, vous gagnez des points. Enfant tout pur, effectivement. La plus belle, c'est vraiment Marie, effectivement aussi. En fait, qu'est-ce qu'il y a, Marie, qui rehausse sa vie? La grâce de Dieu. Et à travers la grâce de Dieu, toute la bonté que Dieu répand. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une belle femme? C'est une femme bonne, de la bonté de Dieu, pleine de la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que Mère Teresa, vous savez, moi, je dois vous confesser une chose, je trouvais Mère Teresa belle. Bon, il n'y avait pas de danger pour la chasteté par ailleurs, je vous rassure. Mais il y a une beauté qui rejaillissait de toute sa personne. Et cette beauté venait de sa bonté et de la grâce de Dieu, j'en suis sûr. Désirez être belle, mesdames, de la beauté qui ne s'en va pas, même pas avec l'âge. Qu'est-ce qui est plus beau qu'un bel homme, musclé, fort? Deux bel hommes, on me dit encore ici. La zone des choristes est un petit peu... Faut travailler. Alors, qu'est-ce qui est plus beau que deux bel hommes? Jésus, notre monsieur très, très spirituel, c'est vrai. Jésus, l'homme par excellence. Mais pourquoi Jésus est beau? Parce que Jésus est plein de vérité et de grâce, plein de dignité. Jésus est vrai, authentique, et il est fort. Hein, les hommes aiment ça, paraître fort. Désirez être fort, les gars, très bien. Mais fort de la force véritable, celle d'être capable de toujours choisir le bien. La force de jamais compromettre dans le mal. La force de se mouiller lorsqu'il faut se mouiller, non pas prendre la fuite pour défendre celui qui a défendu. Là, comme Jésus, d'être capable d'aimer les femmes jusqu'à donner notre vie pour elles. Si vous faites ça, les gars, vous allez être splendissant, la lumière de Dieu. Puis vous allez voir, les filles vont vous trouver super beau en plus. Que vous ayez des cheveux ou pas. Il y a quelque chose de grand qui va rejaillir de votre personne. Quelque chose de noble, qui va être aimable. Donc, le défi que je vous lance cette semaine, c'est de désirer à nouveau d'être beau et belle. Vous regarderez cette semaine dans le miroir, si vous voulez. Mais demandez à Dieu de vous rendre beau et belle, mais de la véritable beauté, celle qui procède de sa grâce, celle qui vous rend bon jusqu'à la racine. Dans la vraie beauté, le péché n'a même plus sa place, parce que le péché, c'est laide. C'est pas beau le mensonge, c'est pas beau la jalousie, c'est pas beau la colère, c'est pas laide ça. Désirez cette semaine mettre la laideur en dehors de votre vie. Et demandez à Dieu la grâce aussi d'être lumière pour quelqu'un cette semaine. On va y aller une semaine à la fois. Donc, demandez la grâce d'être lumineux. Je ne sais pas comment, le Seigneur vous inspirera. Mais d'être lumineux, c'est-à-dire de peut-être de rendre un service à quelqu'un, peut-être d'avoir une parole de consolation, d'encouragement. Demandez à Dieu de mettre sur votre route cette semaine une occasion, une providence qui fait que vous saurez, oups, ici, c'est le temps pour moi d'être une petite lumière. Et si vous faites tout ça, vous êtes peut-être 200-300 personnes ce soir, eh bien, semaine, il va y avoir 300 petites lumières dans la ville de Québec. C'est trop génial. Ça va coûter moins cher. Vous allez être vous-même la lumière du monde. Debout, resplendis. Oui, Seigneur, donne-nous d'entrer dans cette vocation profonde pour nous Rends-nous beaux et belles, de la vraie beauté, Seigneur. Et donne-nous d'être lumière pour les autres, qu'eux aussi puissent désirer d'être beaux de ta beauté à toi, Seigneur, de ta bonté, de ta vérité, de ta paix. Amen.